بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-sin-mim. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Voici les signes du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne croient pas. Si nous voulions, du ciel nous ferions descendre sur eux un signe devant lequel ils courberaient l'échine d'humilité. Jamais un nouveau rappel du miséricordieux ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Ils ont nié la vérité, mais ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se moquaient. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. N'observe-t-il pas la terre, combien nous y avons fait pousser de variétés de plantes, de toutes sortes? Voilà bien là une preuve, et pourtant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est certes le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, lui disant: Rends-toi auprès du peuple injuste, le peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas Dieu ? Moïse dit : Seigneur, je crains qu'ils ne me traitent de menteur. Je me sentirai embarrassé et je m'exprimerai avec difficulté. Alors envoie Aaron avec moi. Aussi, ils ont un crime à me reprocher. Je crains donc qu'ils ne me tuent. Mais Dieu lui répondit : Il n'en sera rien. Allez tous deux avec nos signes, nous serons certes avec vous. Et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, et dites-lui, nous sommes envoyés par le Seigneur des mondes. Renvoie les enfants d'Israël avec nous. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Pharaon dit à Moïse: Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous lorsque tu étais enfant? Et n'as-tu pas vécu plusieurs années parmi nous? Puis tu as commis le crime que tu as commis, en ingrat que tu étais. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. et vous craignant, je me suis enfui. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu au nombre de ses messagers. Est-ce là une faveur du passé que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as servi les enfants d'Israël ? قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Qu'est-ce que ce Seigneur des mondes ? Demanda Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre, dit Moïse, et de tout ce qui existe entre les deux, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, « N'entendez-vous pas ?» Moïse continua, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. » Pharaon dit, « Certes, ce messager qui vous a été envoyé est un fou. » Moïse continua, « Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de tout ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous compreniez. » قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Si tu adoptes, dit Pharaon, un autre dieu que moi, je te ferai prisonnier. Moïse répondit, et même si je t'apportais une preuve évidente et convaincante, Pharaon répliqua, apporte-la si tu es du nombre des véridiques. Alors Moïse jeta son bâton, qui se transforma soudain en un véritable serpent. Puis il exhiba sa main, et voilà qu'elle apparut d'une blancheur éclatante aux assistants. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà certes un magicien chevronné qui cherche à vous expulser de votre pays par sa magie. Que me suggérez-vous ? Ils dirent, fais-les attendre lui et son frère, et envoie dans les villes des gens qui convoqueront, et te ramèneront tout magicien averti. Les magiciens furent donc rassemblés au jour et à l'heure fixée. Et on demanda aux gens, allez-vous également vous rassembler ? Ils répondirent, oui. Et nous suivrons les magiciens s'ils l'emportent sur leur adversaire. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Moussa wa Haroun. Puis, lorsque les magiciens arrivèrent, ils demandèrent à Pharaon, « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs ?» Il dit, « Oui, bien sûr, et vous serez admis au sein de mon entourage. » Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons en disant, « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. » Puis Moïse jeta à son tour son bâton, lequel engloutit tout ce qu'ils avaient fabriqué, avec leur fausse magie. Alors les magiciens tombèrent prosternés, en disant, « Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. » قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين Pharaon dit, croyez-vous en lui avant que je ne vous en donne la permission? En fait, c'est sûrement lui votre chef qui vous a enseigné la magie. En vérité, vous saurez bientôt, je vous couperai mains et pieds opposés, et je vous crucifierai tous. Ils dirent, qu'importe, car de toute façon, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons ardemment qu'il nous pardonne nos péchés, pour avoir été les premiers à croire. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين Alors nous révélâmes à Moïse, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya ses héros proclamés dans les villes. Ces gens ne constituent qu'une petite troupe. Certes, ils nous exaspèrent, mais nous sommes nombreux et vigilants. C'est ainsi que nous éloignâmes Pharaon et les siens de leurs jardins et leurs sources, de leurs trésors et de leurs fastes. C'est ainsi que ces choses leur furent retirées et que nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. À l'aube, ils les rattrapèrent. Et quand les deux groupes s'aperçurent l'un l'autre, ceux qui étaient avec Moïse dirent « Nous voilà rejoints ». Mais Moïse dit, « Non, car en vérité, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer avec ton bâton. Elle se fondit aussitôt, formant de part et d'autre deux imposantes montagnes. Puis nous fîmes approcher les poursuivants. Et tandis que nous sauvions Moïse et ceux qui l'accompagnaient, nous noyâmes les autres. Certes, il y a en cela un signe clair, et pourtant la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est en vérité le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Récite-leur l'histoire d'Abraham, quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils répondirent, nous adorons des idoles et nous leur sommes dévoués. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les implorez? Vous apportent-elles quelque bienfait ou peuvent-elles vous nuire? Ils répondirent, « Non, mais nous avons vu nos pères agissant ainsi. » والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Il dit, mais avez-vous considéré ces idoles que vous adorez et qu'adoraient vos ancêtres? Elles sont toutes des ennemis pour moi, à l'exception du Seigneur des mondes. C'est lui qui m'a créé et qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire, et c'est lui encore qui me guérit lorsque je suis malade, qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Et enfin, c'est lui, je l'espère ardemment, qui me pardonnera mes péchés au jour du jugement. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Seigneur, accorde-moi la sagesse et fais-moi rejoindre les pieux. Fais qu'on parle de moi en bien parmi les générations qui me succéderont. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité à l'homme. Et où seul se réjouira celui qui viendra à Dieu avec un cœur pur. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. Ce jour-là, le paradis sera rapproché des vertueux et l'enfer sera exposé aux égarés. Et on leur demandera, où sont donc ceux que vous adoriez? à la place de Dieu. Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? Puis les idoles seront jetées dans l'enfer, de même que les égarés. Et les armées d'Iblis, tous ensemble, ils diront tout en s'y querellant, « Par Dieu, nous étions certes dans un égarement évident. Quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes, ce sont les criminels qui nous ont égarés. » فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Maintenant, nous n'avons ni intercesseur, ni ami sincère. Ah, si seulement il nous était possible de retourner sur terre, nous serions alors croyants. Certes, il y a en cela un signe certain, et pourtant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. Le peuple de Noé a traité de menteurs les messagers. Lorsque leur frère Noé leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis certes pour vous un messager digne de foi. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Alors craignez Dieu et obéissez-moi. » قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. Ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus misérables d'entre nous qui te suivent? Il dit, comment puis-je être au courant de ce qu'ils ont fait dans le passé? C'est mon Seigneur qui les jugera, si seulement vous compreniez. Je ne suis pas ici pour repousser les croyants. Je ne suis ici que pour vous avertir clairement. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ils dirent, si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. Noé dit, ô mon Seigneur, mon propre peuple me traite de menteur. Juge donc entre eux et moi, et sauve-moi, ainsi que les croyants qui m'ont suivi. Nous les sauvâmes donc, lui et ses compagnons, à bord de l'arche pleinement chargée. Puis nous noyâmes tous les autres. Certes, il y a en cela un signe clair, et pourtant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. Les Hades traitèrent de menteurs les envoyés. Quand leur frère Oud leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis certes pour vous un messager digne de foi. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Construisez-vous sur chaque hauteur un monument par pur divertissement et érigez-vous des forteresses dans l'espoir de vivre éternellement. Et lorsque vous exercez votre force sur autrui, le faites-vous en tyran. » فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Craignez plutôt Dieu et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a donné tant de bonnes choses que vous connaissez, qui vous a donné des bestiaux et des enfants, de même que des jardins et des sources. Je crains certes pour vous la rétribution d'un jour terrible. Ils lui répondirent, que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Et ils le traitèrent donc de menteur. Alors nous les détruisîmes. Certes, il y a en cela un signe clair, et pourtant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Les Samoud traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque leur frère Salih leur dit, ne craindrez-vous pas Dieu? Je suis certes pour vous un messager digne de foi. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Vous laissera-t-on jouir de votre présente situation en toute sécurité, parmi des jardins et des sources, des cultures et des palmiers chargés de fruits, et vous taillez habilement des demeures à même les montagnes? ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Craignez donc Dieu et obéissez-moi, et n'obéissez point à ceux qui commettent des excès, qui répandent la corruption sur terre et refusent de se réformer. Ils répondirent, tu n'es qu'un insorcelé. De plus, tu n'es qu'un mortel comme nous. Apporte-nous donc un signe si tu es du nombre des véridiques. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Il dit, voici une chamelle. Il aura le droit de boire au puits à certains jours fixés, et vous aurez le droit d'y boire les autres jours. Ne lui faites aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Mais ils la tuèrent, et ils eurent bientôt à le regretter. Le châtiment en effet les saisit, certes, il y a en cela un signe évident. Et pourtant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers de Dieu. Lorsque leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis certes pour vous un messager digne de foi. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Quoi ? Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Vous êtes vraiment des transgresseurs. » قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Il dit, si tu ne cesses pas, Lot, tu seras bientôt banni de notre cité. Lot leur répondit, je tiens pour abominable votre conduite. Seigneur, préserve-moi ainsi que les miens de ce qu'ils font. Alors nous les sauvâmes, lui et les siens, à l'exception d'une vieille femme qui resta en arrière. Puis nous détruisîmes les autres et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie effroyable pour ceux qu'on avait avertis en vain. Certes, il y a en cela un signe évident, et pourtant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Les habitants d'Al-Aïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Shu'aib leur dit, ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis certes pour vous un messager digne de foi. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui donnent moins que ce qui est dû. Et pesez avec une balance exacte. Ne lésez pas les gens quant à leurs biens et ne répandez ni le mal ni la corruption sur terre. Et craignez celui qui vous a créé, vous et les générations passées. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Ils répondirent: Tu n'es qu'un ensorcelé. De plus, tu n'es qu'un mortel comme nous, et nous croyons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des fragments du ciel. Sais-tu du nombre des véridiques ? Shoreim leur répondit : Mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Et ce fut certes le châtiment d'un jour terrible. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Certes, il y a en cela un signe évident, et pourtant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité le puissant, le très miséricordieux. Ce Coran, c'est le Seigneur des mondes qui l'a révélé, et c'est le fidèle esprit qui l'a fait descendre. Dans ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. C'est une révélation en une langue arabe très claire, qui se trouve déjà annoncée dans les écritures des anciens envoyés. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël en sont informés ? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Et si nous l'avions révélé à quelqu'un des non-arabes, qui l'eût récité devant eux, il n'y aurait pas cru. Ainsi faisons-nous en sorte que ce Coran soit sans effet sur le cœur des criminels. Ils n'y croient pas tant qu'ils n'auront pas vu de leurs yeux le douloureux châtiment, qui s'abattra sur eux de façon si soudaine que c'est à peine s'ils le verront venir. Ils s'écrieront alors : Nous laissera-t-on quelque répit ? Quoi ? Cherchent-ils à hâter notre châtiment ? Ne vois-tu pas que si nous les laissons jouir de la vie quelques années durant, et qu'ensuite le châtiment promis les atteint, cette jouissance éphémère ne leur aura servi à rien. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. Et jamais nous n'avons détruit une cité sans lui avoir d'abord envoyé des avertisseurs, à titre de rappel, car nous ne sommes jamais injustes. Et ce ne sont point les diables qui ont fait descendre cette révélation. Cela ne leur convient pas, et ce n'est point en leur pouvoir. Ils sont totalement exclus des auditions sublimes. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Alors n'invoque aucune autre divinité avec Dieu, sinon tu serais du nombre des condamnés. Avertis les gens qui te sont les plus proches, et sois bienveillant envers les croyants qui te suivent. Si tes proches te désobéissent, dis-leur, je me dissocie de ce que vous faites, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves pour prier, et voit tes gestes lorsque tu te trouves parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment qui entend tout et qui est omniscient. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Vous apprendrai-je vers qui les diables descendent ? Ils descendent vers tout menteur et tout pécheur, à l'oreille de qui ils colportent ce qu'ils ont pu entendre, mais la plupart sont des véritables menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils errent distraitement dans chaque vallée, et qu'ils disent ce qu'ils ne font point, à l'exception de ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent Dieu, et qui ne se défendent que lorsqu'ils ont été injustement lésés. Ceux qui commettent des injustices verront bientôt quelle sera leur funeste destination dernière.